Do do do do do. Anna, oui. Thank you. Philippe, j'ai une chanson pour toi. Attention, une chanson pour Philippe. Bon, je viens de trouver les paroles. J'essaie de trouver les accords. J'avoue que quand j'étais plus jeune, on va chier Sabrina. On va chier la pétasse. Girls, girls, girls, I'm looking for the good time. Girls, girls, girls, get ready for my dick. J'ai des gros nichons et je les montre voilà. Partout. Dans le porno, pas dans la musique. C'est fait exprès pour faire bander tous ces garçons. Et ça marche, ils sont devant la télé. Boys, boys and girls in some time. Attends, je te fais le disque jockey. Quand j'étais gamin, j'avais acheté les 45 tours. Attention. 1, 2, 3. Boys and girls in summertime love, summertime love in the beach tonight. Say A, say U, say me, say what. Everybody has got the cap. Don't stop, don't move. I just get your body. Oh putain, ça craque. La carte son, elle veut pas. Boys. C'est quoi cette pub de merde? Alors, ouais, d'accord, ça. redoute qui... Il y a la redoute qui s'est ouverte. Je m'en fous de la redoute. Dorothée. J'ai mis dans ma valise. Bon, on m'a dit que mon ordinateur était pas assez puissant. Je vais essayer ça. Je pars à un, non ? Je sais pas. On part en sol. Je vais faire des canards, sûrement. Ah, salut ! Joyeux Noël ! I want to break free. I want to break free. I want to break free from this island. No, from your life. Putain, je vois plus la mélodie. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. You're so satisfied, I don't need you. I've got to break free. God, no, I want to break free. I found a new love. I found a new love for the first time. This time I know it's for real. Pas assez grand alors, putain. Fais chier cet écran. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Il faut copier les paroles. Tac, tac, tac. Ah. Putain, moi je suis pas doué avec les ordinateurs, je te le dis. Hein. Copier. Voilà. J'ai les paroles. Bon, je recommence. Je sais pas combien il y a de mesures là-dessus. BPI, là, je sais pas quoi, là. C'est un là. to break free. I want to break free. I want to break free from this. Putain, pourquoi j'ai free from the air? C'était la chanson. Oui. Attends, j'arrive. Bon, moi je vais voir mon enfant.